Klinger, tu ne sais pas depuis combien de temps tu es enfermé là-dedans. Cette pièce sombre, humide, moite, dans laquelle tu as passé des heures pour sûr. Peut-être des jours, qui sait. Tu es seul. Tu ne sais pas où est passé Flint. Tu ne sais pas où est passé Valerian, Marl, Astrid. L'attaque de ces oiseaux géants a été plutôt rapide. Vous avez été vite surmené et la solution a été une séparation non réfléchie pour la survie de chacun. Tu n'as rien pu faire. Impuissant face à ces créatures qui ont été pour le coup vifs, rapides et particulièrement efficaces. Tu es blessé. Assez légèrement, tu en es plutôt content, mais très fatigué. Tu n'as pas mangé depuis facilement un jour, peut-être. Deux ? Je ne sais pas. En tout cas, tu as faim, tu as soif. Et pour l'instant, tu n'as plus la force de bouger. Les bruits à l'extérieur t'ont forcé à rester cloîtré, du coup, dans ce bâtiment. Pour te dire, c'est un des premiers bâtiments que vous avez fouillé... quand vous êtes du coup rentré dans cet endroit. À côté de toi, ou plutôt en fait sur lequel tu es adossé, se trouve un des meubles que vous avez fouillé, que vous avez trouvé vide, déçu avant de sortir, sans savoir que ça vous mènerait tout de suite dans un piège. Tu réfléchis à comment les choses auraient pu être différentes. Tu t'inquiètes sûrement de l'état surtout de Flint, même si les autres comptent. Tu n'es pas habitué à te séparer de ton chien et tu sais que le temps passé à l'intérieur peut être particulièrement dangereux pour lui s'il se retrouve seul, sans nourriture, sans eau. En tout cas, tu es là. Regardant de force le temps passé, ne pouvant bouger actuellement, tu sais que tu as besoin de force, tu auras besoin de quelque chose de te motiver pour sortir de là, mais là tout de suite... La douleur, la soif, la faim est beaucoup trop importante. Tu avais amené, il me semble, avec toi quelques rations. Des rations que tu traînes toujours sur toi. Surtout d'eau. C'est de la nourriture qui t'a manqué. Par conséquent, tu n'es pas déshydraté. Par contre, tu es sûrement affamé. Alors que tu réfléchis à tout ça, te demander où est-ce que tu pourras trouver de la nourriture, ce genre de choses, tu entends... au loin... comme des bruits de pas se rapprochant, le bruit de feuilles écrasées, le bruit lourd de corps déplacés, plutôt vif. Tu ne sais pas si c'est l'un de tes amis, de nouvelles personnes, mais leur voix étouffée ne te permet pas de les reconnaître et la vitesse à laquelle commencent à se rapprocher les pas ne te donne pas forcément grand encouragement à penser que c'est l'un de tes amis qui a dû se faire blesser aussi pendant le combat. Les pas s'approchent. Encore. Encore. Tu entends des petites discussions. J'aimerais savoir comment tu réagis. Est-ce que tu essayes de bouger? Tu restes là? Peut-être retenir ton souffle. La pièce, elle est dans le noir, on est d'accord? Oui, la porte est fermée. Parce que c'est j'essaie de me plaquer. Enfin, vu que j'ai du mal à me déplacer, j'essaie de me plaquer le plus possible dans un coin du mur avec mon fusil dans la main, même si je prends, j'ai plus de balles dedans, mais pour faire genre comme si j'avais quelque chose, tu vois. Et je fais plus de bruit. Je bouge plus. Tu as effectivement une balle hein, qui peut être utilisée. Sachant que c'est utilisé à bon escient, hein, je rappelle que c'est un excellent objet de troc, mais c'est aussi ce qui te permet de survivre. Tu as du coup une balle, tu as ton fusil de fortune qui est là depuis quelques jours auprès de toi. Du coup, tu t'autorises à la charger au cas où. Les bruits se rapprochent de plus en plus. Jusqu'à être quasiment derrière la porte. Tu retiens ton souffle, presque persuadé que si tu ne fais aucun bruit, ils passeront simplement leur chemin. Malgré tout, tu entends la poignée de la porte s'ouvrir, enfin, s'abaisser, et la porte s'ouvrir petit à petit. Je mets mon fusil en face, en direction de la porte. Ok. Annette, X, vous y étiez tout simplement en mission de sauvetage, hein, pour dire ce qui est. Vous êtes arrivé après avoir traversé une longue et dense forêt, très luxuriante. Bah, au point que ça en était vraiment véritablement compliqué de passer à travers les branches, les feuilles et le reste des plantes qui peut vous mettre en danger. Vous êtes tombé sur une énorme construction de fer. Comme vous ne saurez décrire ce que c'est, vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais ça a une ambiance assez étrange, c'est assez haut, ça a des formes de vagues, ça va vers le haut, vers le bas. Et ça semble se réunir dans un lieu où il y a des tentes, il y a un gros panneau sur lequel semble être écrit du coup, bienvenue, vous êtes un peu lecteur. Vous mettez un peu de temps, bien sûr, à traduire ce mot. N'étant pas de habitué à lire beaucoup, il vous faut une petite concentration vis-à-vis de l'écriture. Dans tous les cas, vous arrivez dans cet énorme lieu de recensement de machinerie, de métal, de ferraille, de câbles et de tentes, tout simplement, installées. Vous avez rapidement juste eu le premier réflexe de fouiller les portes qui se trouvent en fait de certaines constructions à l'entrée. Ce sont des petites cabanes assez petites qui n'ont pas énormément d'espace, hein, entre 3, 4 et maximum 10 mètres carrés à chaque fois la petite cabane, quoi. Au bout de la troisième, vous êtes surpris par un bruit. Au moment où vous en êtes approché, vous avez entendu un bruit d'un chargeur. Vous savez que au vu du côté délaissé et abandonné, il y a peu de chances que vous tombez sur des humains par ici, d'autres survivants. La première thèse qui me vient à l'esprit, c'est que c'est peut-être l'une des personnes que vous êtes venu sauver. Malgré tout, vous gardez en tête que si ce n'est pas ça, il va falloir réagir très vite pour ne pas avoir une confrontation mortelle. L'un d'entre vous va tout de même ouvrir la porte. J'aimerais savoir qui s'en occupe. Est-ce que tu as des bonnes forces Juste savoir qui ouvre la porte. Il n'y a pas de... Bon, allez, je le fais. Ok. Annette, tu t'approches. Lance un regard en direction de X, hein, voir si... Il est prêt à réagir en cas de problème. Tu abaisses la poignée. Ouvre-moi. Ouvre petit à petit la porte. Pour finir par éblouir la personne qui se trouve dedans. Blessé. Épuisé. Vous tombez. Face à Klinger. Seul. Qui a l'air dans un état sale, mauvais, blessé. Et surtout seul. Qui êtes-vous? Nix. On est les survivants de l'arche. Nix, c'est moi, Klinger. Nix, c'est toi. Je suis Annette. C'est Annette, regarde. Ah, Annette. Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, toi aussi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais si, putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je sais pas, on a été attaqué il y a quelques jours, j'ai plus trop la notion du temps, mais par des choses volantes qui nous ont... Des choses volantes ? Oui, des êtres volants, et ils nous ont attaqué et on a été séparés, même Flint, je sais pas du tout où il est. Merde. Ok, est-ce que tu peux regarder dans quel état il est? Étant médecin, étant chroniqueur, mais du coup avec une petite formation de médecin, même si ce n'est pas ton poste principal, Tu peux regarder rapidement. Tu vois, en t'approchant, du coup, que notre ami Klinger est blessé. Il a été perforé, tout simplement, à certains endroits, sûrement lors de la lutte par ces fameuses créatures volantes. Et ce que tu reconnais immédiatement, c'est que s'il a réussi à s'hydrater, il est actuellement affamé. Ça, okay. Il est épuisé physiquement par la faim. Et il va falloir l'aider à reprendre des sources si vous voulez que, le faire bouger de là. Ok, est-ce que je peux lui... Est-ce que je peux lui mettre des bandages ? Tu peux effectivement mettre des bandages, mais pour le coup, la blessure se tâte un peu. Elle ne saigne plus. D'accord, ok. Ça saigne plus. Okay. Peut-être faire un garrot quand même, parce que s'il doit se déplacer. Oui, ouais, ouais, peut-être faire un garrot. Tout à fait, c'est possible. Est-ce qu'on a de l'eau potable, l'eau propre, par ici, pour nettoyer un peu la plaie ? Je vais lui donner l'une de mes rations de bouffe. Très bien. Tu sacrifies une de tes rations d'eau afin de pouvoir nettoyer la plaie et pouvoir faire ton garrot. Je ne te fais pas de jet parce que, encore une fois, tu es un médecin et tu fais juste un garrot. C'est pas la chose la plus difficile à faire. Lui donne de l'eau, moi je donne la bouffe. Hein, ouais, d'accord. Du coup, effectivement, tu vas lui faire le garrot. Je ne te fais pas de jet pour ça parce que, ayant eu des formations de premiers soins par les chroniqueurs médecins, c'est quelque chose que tu sais gérer. Par contre, du coup, bah, tu vas sacrifier une des nourritures que tu as sur toi afin de lui donner de la force de pouvoir avancer. Et X va lui utiliser son eau afin de pouvoir laver la blessure. Vous attardez. Klinger, tu sens que le fait de manger cette ration bouffe, sûrement une vieille conserve. À vrai dire, tu sais même pas si ce que tu manges, c'est des légumes, de la viande ou quoi que ce soit, mais au moins. Tu sens que c'est revigorant, tu as sûrement pas autant profité d'un repas depuis un bon moment, tu en avais presque oublié, pourtant dans un monde aussi cruel et en manque de vivre que les repas pouvaient être des ressources aussi agréables. Tu manges cette ration, l'eau elle est utilisée pour te laver et le fait qu'on s'occupe de toi te revigore déjà pas mal le moral, avoir passé... autant de temps seul dans le noir ne t'a pas aidé à maintenir ta santé mentale. En tout cas, maintenant tes amis sont là. Ils t'aident du coup à te soigner, à te relever. Après à t'avoir laissé un peu de temps, je suppose que vous n'êtes pas pressé, vous laissez quand même reprendre ses esprits et ce genre de choses. Du coup, après t'as votre relevé, après un petit temps d'adaptation où tu retrouves tes repères, tes points d'appui, tu vas pouvoir remarcher du moins normalement. Pour les activités plus physiques comme courir, ça peut te demander peut-être un peu plus d'efforts et de difficultés, mais au moins tu peux marcher. Je vous laisse maintenant décider ce que vous faites. Vous êtes tous les trois à l'entrée de cet énorme regroupement de ferrailles, de temples, ce genre de choses. Et il y a, en comptant du coup le chien, quatre personnes à trouver. Valerian, le fracasseur. Marl, aussi fracasseur, qui est un des bras droits d'Astrid. Astrid, justement, qui a disparu. Et Flint, le chien de Klinger. Ah oui, le chien aussi a disparu. Ouais, moi, naturellement, je vais aller... déjà pour chercher mon chien. Bah oui. Donc, je vous demande, vous avez vu quelque chose en arrivant ? Rien qui pourrait donner des indices sur une direction ou... Que toi. Non, on a juste vu la porte. D'accord. Je vais aller au dernier endroit où on a été quand on a vu les trucs volants, là. Essayer de retourner vers cet endroit-là. S'enfoncer du coup dans dans l'espèce d'avenue entre guillemets entre la ferraille, etc. Je les préviens quand même, faites attention, ça nous a attaqué, il y en avait plusieurs, hein. Et c'était sacrément, bah, vous l'avez vu, hein. J'ai subi des dégâts, enfin des blessures, c'est costaud, hein. Donc faites attention. Ouais, bah... Bah, on, comme vous, on était en train de visiter les lieux à la recherche de, bah, de nourriture, de choses qui pourraient être utiles à l'arche. Et puis on s'est avancé un peu plus dans cette forêt. Et d'un coup, en fait, on surgit ces espèces de choses volantes. Ça c'est HRP, mais on n'a pas forcément conscience que des oiseaux ou des trucs comme ça, donc c'est pas... Si, des oiseaux. On connaît ça. Ça va, c'est comme genre reptile ou oiseau, enfin genre c'est dans la classe. Okay. Bah, du coup, ouais, donc c'est des oiseaux assez grands et très agressifs qui sont venus nous attaquer. Alors il me semble qu'on a réussi à en toucher quelques-uns, mais ils étaient trop nombreux et on n'avait pas assez de balles. Et puis après, j'ai perdu la notion, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé dans la pièce où vous m'avez trouvé. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusque-là. Au moins, tu as envie, c'est le principal. Ouais, j'espère que les autres aussi. Ouais. Du coup, ils vont croire que le destin a prévu quelque chose pour toi. Oh, moitié le destin. Du moment que mon chien va bien, il peut m'amener où il veut. Oui, d'ailleurs, pas d'empreinte dans un... sur le chemin qu'on a. Quelque chose qui ressemble à... Honnêtement, le terrain n'est pas propice à laisser énormément d'empreintes. Et vu qu'en fait quasiment la moitié du truc a été recouvert par des plantes qu'on poussait sûrement après que ce soit abandonné cet endroit, donc du coup même en cherchant des traces écrasées, enfin vu qu'apparemment il y a des animaux sauvages, c'est très très difficile d'estimer où sont partis. Et je t'écoute. Et en ce qui concerne l'odeur, s'il y a une odeur particulière. Oui. C'est intéressant, tu vas du coup t'y concentrer. On va faire un petit jet, du coup, tu vas pouvoir faire ton premier test, qui est un test tout simplement d'observation, donc intellect. Je vois que tu as 1 en compétence, tu as 3, donc tu lances 3 dés de base et 1 dé de compétence, du coup. Ah. Un dé qui se fait la mal, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok, donc pour les 3D, j'ai 2, 6 et 1, 3. Et pour l'autre, j'ai un 5. Ok, de toute façon, tout ce qui nous intéresse, c'est les 6 et 1. Tout le reste, tu l'ignores. D'accord, ok, bah, j'ai juste 2, 6 sur les premiers. Ok, donc tu as une réussite et une. C'est pas une amélioration, à chaque fois je perds le terme, c'est pas grave, je vais juste aller voir le taf. Ce que ça peut te faire, c'est un. Une prouesse, voilà, tu as une prouesse. Je vais aller voir du coup ce que je peux te dire. Ok. Du coup, la réponse, c'est que niveau de l'odeur, c'est vrai que c'est assez chargé, mais du même titre que la forêt était assez chargée en odeur, parce que bah, c'est de la faune, hein, la faune et de la flore. Il n'y a pas d'odeur particulière, c'est vrai que ça aurait pu, mais le métal, la rouille, à la limite, sont peut-être pas des odeurs auxquelles tu as vu autant mélanger à la nature, mais c'est pour l'instant tout ce qu'il y a, il n'y a pas de choses particulières. En tout cas, vu que tu as fait une prouesse, tu as le droit de me poser une question dans laquelle je répondrai soit par oui, soit par non. Il faut que ce soit une question du coup fermée. D'accord. Est-ce que le chien est encore en vie? Alors, Alors ça, tu ne sais pas. D'accord. Ce n'est pas un atout magique, c'est quelque chose que tu peux observer sur le mince coup. Mince. Genre, oui, d'après cette trace, je pense qu'il est en vie. Et pour le coup, comme vous êtes à peine enfoncé, c'est trop tôt peut-être pour trouver certaines informations. D'accord. Bon, alors, peut-être... Est-ce que l'endroit est encore dangereux? Alors, honnêtement, vu les descriptions et le fait que ça a l'air d'être autant abandonné, il y a de fortes chances qu'il y a peut-être un danger concret. Notamment, tu viens d'y réfléchir, mais quand tu as fait le trajet, dans la forêt, il n'y a pas eu un seul autre animal. Pas une petite espèce vivante, pas un petit truc qui passe. Vous savez que s'il y a de la chasse qui est organisée non loin de votre arche, c'est que normalement, il y a assez facilement de quoi trouver des petits animaux sauvages. C'est rarement quelque chose de... Voilà, c'est pas des grands animaux majestueux, mais il y a toujours ta petite vermine qui traîne, au moins un rat, ce genre de choses, mais plus vous êtes approché de cet endroit, et comme si les autres animaux avaient fui l'endroit. Ça te marque par rapport à cette question de dangerosité, tu te dis que peut-être que la menace est à prendre au sérieux. Est ailleurs, ouais. Je garde ma pelle à portée de main. Mais moi... Vas-y. Bah pour le coup, de temps en temps, vous m'entendez siffler. J'ai un siffle de manière distinctive, que genre Flint, quand il m'entend siffler comme ça, hein, il sait que je suis là et pour le faire venir, quoi. Bon, voilà. Je peux pas vous le faire en vrai parce que sinon je vais mettre les quartiers. Puis j'avance toujours avec mon fusil toujours en main, au cas où il y aurait quelque chose de bizarre. Vous avancez. Tu avances, fusil en main, avec la seule balle qui te permettrait de te défendre. Suivi du coup d'Annette et de X. D'ailleurs, X, tu as quoi pour te défendre? Je crois que tu as une chaîne de vélo. Une chaîne de vélo. Efficace. De temps en temps, quand tu siffles, tu entends au loin une réponse qui est peut-être pas celle que tu attends. Plutôt celle d'un oiseau qui croisse. Comme répondant à ton appel. Tu as bien changé, Flint. C'est ça qu'on appelle l'évolution ? Bah écoute, j'en profite de temps en temps, vu que j'avance, pour peut-être regarder un peu les alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être susceptible de montrer un passage récent ou quelque chose. Tu avances, je vais utiliser le jet de ton ami pour. Parce que comme il a fait une réussite, de toute façon, d'accord, le résultat sera le même pour faire ton résultat à toi. Mm-hmm. Comme dit, en fait, le côté nature luxuriante empêche un peu de suivre des traces, de voir s'il y a des passages récents, etc. Surtout que, apparemment, ce qui peuple cet endroit est plutôt de type volant, donc c'est pas de type à laisser des grosses traces. Par contre, tu te souviens que quand tu étais venu, il y avait des espèces de cocons étranges sur le haut de certaines structures en métal. Oui, c'est vrai. Tu ne les vois plus. Ça, c'est bizarre, ça. Ça va ? Tu m'as l'air... Disons que quand on est venu... La première fois, en haut des structures là-bas, là, donc je te montre du toit, hein, ouais. Il y avait des. Comme des cocons, des poches assez grandes quand même. Mm-hmm. Et elles y sont plus. Elles y sont plus maintenant. Est-ce que ces cocons avaient quelque chose à voir avec ces oiseaux qui t'ont attaqué? Je saurais pas vraiment le dire, a priori peut-être. En termes d'envergure et de grosseur, ça pourrait contenir un oiseau? En termes d'envergure et de grandeur. C'était. pour répondre à la place du personnage, assez imposant et assez grand et gros pour être visible d'en bas, assez loin. C'était quelque chose qui, à la limite, faisait la taille d'un être humain. Ah ouais. Ok. Et en termes de distance par rapport à là où on a vu ces... On est loin de l'endroit où il y avait ces trucs-là. En fait, ils étaient un peu accrochés un peu partout sur les structures métalliques. Sur les structures métalliques, c'est quasiment tout le tour. Ouais. Et il y en avait un peu partout qui étaient laissés. Ce qui fait que même si c'était un peu lointain, effectivement, c'était quand même entre guillemets aussi proche. Tu vois, c'est un peu les deux. D'accord. Écoutez, j'avoue, mis à part continuer d'essayer de chercher, je vois pas trop ce qu'on d'ailleurs, peut faire. Justement, vous arrivez au niveau où vous avez été agressé lorsque tu es venu la première fois, te permettant, si tu veux, de pouvoir expliquer la scène et un peu, peut-être décrire un peu mieux ce qui s'est passé pour tes amis. Ou juste enquêter dessus. La scène, nous sommes arrivés ici et puis d'un coup on a vu surgir ces oiseaux assez volus, enfin assez avec une grande envergure quand même, hein, qui nous ont qui ont fait un piqué sur nous et qui ont essayé de nous alors je saurais pas forcément dire nous tuer d'entrée, mais au moins nous affaiblir et essayer de nous désarçonner. On a commencé un peu à tirer dans tous les sens, mais vu la rapidité de ces choses, on a gaspillé des balles pour rien et au final, plusieurs d'entre nous ont été blessés et comme je vous dis, après, j'ai un peu perdu la notion de ce qui s'est passé parce que je me suis réveillé dans la pièce. Tout ce que je me rappelle, c'est que Astrid a perdu connaissance. Tu t'es réveillé dans la pièce ? T'as pas de lien par rapport à cet endroit et la pièce ? Non. Ça, c'était au tout début quand on est arrivé, on est passé par là, mais voilà. Après, honnêtement, les dernières choses que je me rappelle, c'est Astrid qui perd connaissance et qui s'est quasiment pris tous les oiseaux sur elle. Ils l'ont tous attaqué en même temps. C'est son côté grande gueule. Je sais pas, mais. Et après, tout est flou. Ah, miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que... Mais je recycle, hein. Question, est-ce qu'on voit des plumes par terre ? Bonne question. Mais on suit déjà des plumes ? Oui. Mais effectivement, genre regardant, vu que c'est là qu'il y a eu la bataille, il y a eu effectivement des plumes perdues. D'accord. Est-ce que je connaîtrais ce genre de... C'est un plumage noir, hein, où la plume est très grande, ce qui te laisse envisager quand même des oiseaux très très volumineux. Belle plume. Mais voilà, mais c'est un pelage noir, un peu bleuté au reflet du soleil. D'accord. Je vais regarder 2-3 de côté pour examiner un peu plus ça plus tard. En parlant de soleil, je demanderai à chacun de faire un test d'observation, s'il vous plaît. Le soleil. Alors, observation, donc c'est... 3D d'intellect, c'est ça ? Oui. Attribut, c'est quoi ? C'est jaune ou c'est rouge ? Je m'en rappelle plus. Ah, mais plus 1 en observation. Donc j'en lance 4. Ça doit être, normalement, ça doit être jaune, compétence rouge et équipement noir, normalement. Moi, j'en lance 4, logiquement. Vas-y. Un 6. Un succès. Et un 1. Un succès. Un succès, et... un échec. Non, le 1 c'est pas un échec, comme je dis, c'est uniquement quand il y a. Quand tu pousses le jet, que le 1 est pris en compte. C'est juste, du coup, il faut le savoir. Donc, du coup, ça fait un succès chacun et 0 pour notre ami. X. Annette Klinger. Du coup, bah, regardant les plumes et s'amusant à refléter un peu avec le soleil, vient le trait d'esprit, tout simplement, de regarder vers le ciel. Ce que vous voyez commence un peu à vous déplaire. D'énormes nuages, noirs, mais d'un noir absolu, commencent à se former au-dessus de vos têtes. Ah ! Pour l'instant, okay. Vous sentez que la tempête est encore un peu lointaine, mais que vous risquez d'être pressé par le temps dans cette zone. Je pense qu'il faudrait qu'on bouge d'ici. Je pense aussi, mais est-ce que quand je regarde un peu autour de nous, il y a des structures qui seraient assez proches pour qu'on puisse aller se mettre à l'abri? Alors, tout à fait. Les structures sont soit des choses en métal, soit des tentes. Tu ne sais pas de quelle origine est la tempête. Vous oui, savez que métal, ça pourrait être dangereux aussi. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Vous savez que par rapport aux tempêtes que vous avez déjà de toute façon pas mal vécu déjà à la période, je vous rappelle, à la fin de l'automne, vous savez que la pluie, tout comme la foudre, peut être très dangereuse. Et donc du coup, ça sera un peu un pari d'un sur deux de savoir dans quelle structure alors, vous allez. J'ai une idée. Les structures en métal, elles sont de type comment? Genre, il y a un toit, quelque chose? Ça dépend, tu sais, il y a les formes un peu libres, un peu étranges, et effectivement, il y a des choses plus concrètes qui, effectivement, ont des toits, ce genre de choses. Après, j'insiste sur ce point, c'est que les nuages commencent à se former. Vous savez que vous avez quand même du temps devant vous avant que ça pète. Juste que vous ne pouvez pas, par exemple, durer plus d'une journée, par exemple. Vous savez que ça va péter quand même au bout d'un moment. Dans la mais journée, quoi. Pas dans, c'est dans la journée. Pas dans leur prêt. Est-ce que les tentes sont suffisamment petites pour qu'on puisse en récupérer une? Ou c'est des grandes tentes? Ouais, c'est des grandes tentes, effectivement. Yeah. Ce qui est plutôt logique quand tu réfléchis à l'environnement. Ouais. C'est pas ouais, parce que sinon, j'avais l'idée de prendre une tente et les mettre sous une structure métal. Du coup, vous en avez paratonnerre et nous, on est à l'abri. Mais non, ça marche pas. On peut déjà un peu observer la zone pour voir si on voit des choses qui pourraient nous indiquer la direction qu'auraient pris nos amis ou Flint. Je suppose qu'il y a des branches cassées ou des trucs comme ça au sol. De l'eau peut-être. De l'eau. Et peut-être qu'ils ont suivi un cours d'eau ou quoi. C'est souvent la première chose que tu essaies de chercher quand t'es en mode survie. Ouais, oui, enfin voilà, des signes de vie, quoi. Ouais. Deux choses. Premièrement, l'idée de l'eau est très bonne. Malheureusement, le côté construit de ce lieu semble indiquer que semble illogique, il y a une rivière ou quelque chose comme ça. Deuxième chose, alors que vous êtes occupé à lever la tête, notre ami X, du coup, lui, au début, n'a pas eu intérêt, du coup, à porter attention et a pu remarquer autre chose. C'est un dessin qui se trouve en fait sur une forme de grosse tablette qui se trouve à quelques mètres de vous. X a pu en profiter tout simplement de juste ne pas lever la tête pour regarder ce qu'il y avait autour de vous. Et regardant, ça semble indiquer de manière un peu complexe, un peu compliquée à déchiffrer, mais en suivant les grandes lignes, vous pourrez sûrement vous y retrouver. Ça peut faire office de plan, pouvant du coup donner une idée du lieu et de l'endroit où vous vous situez. On arrive à le lire ? C'est un papier ? C'est un papier ? Ce n'est pas un papier, par contre. Du coup, c'est une grosse plaque en métal. Bah, du coup, on y va. Enfin, on va regarder ça de plus près, non ? Bien sûr. On arrive à le lire ? X, du coup, vous prévient. Vous vous approchez pour regarder. Oui. Comme dit, la lecture est assez compliquée. Étant donné que le plan est assez complexe et c'est pas comme vos plans qui sont assez entre guillemets primitifs, vous savez majoritairement ni lire ni écrire dans l'arche, forcément vous doutez bien que mis à part les plans vraiment sauf moi réfléchis chez les chroniqueurs et moi Mais en soi, tous les joueurs savent lire, ils ont tous réussi leur jet. Ouais, mais moi, je suis bien calé. Oui, c'est pour ça qu'il faut me laisser finir les phrases. Pardon. Du coup, oui, mis à part les cartes vraiment de chroniqueurs qui, eux, sont vraiment bien, bien conservées pour le coup et assez complexes, c'est quand même, vous n'êtes pas habitué à des plans aussi détaillés et non directs en fait, dans leurs idées. Mm. Malgré tout, vous faites partie sûrement de ceux les plus lettrés, sans compter les chroniqueurs qui travaillent à ça, de l'Arche. Et surtout Klinger, hein, je rappelle que ça t'a permis d'avoir certaines relations privilégiées. Donc, grâce à ça, vous pourrez vous, comme on dit, vous repérer, essayer de voir à peu près le lieu, mais ça demandera toujours un peu de concentration et d'effort, surtout pour mémoriser. Ça va te demander un travail de mémoire immédiatement que du coup tu devras faire pour te souvenir des événements. Une fois parti de cette pancarte, ça va être dur de te souvenir de tout. Du coup, est-ce que c'est possible, déjà, dans un premier temps, d'essayer de localiser où on est par rapport au plan en regardant autour de nous, tu vois, en fait, qu'il y a une construction en fait, qui est assez centrale. En fait, il y a une grande allée qui mène à une sorte de grand cercle qui donne plein de chemins. Cette grande allée, ce n'est pas par là où vous êtes rentré. Ce que tu vois, c'est que il y a deux grandes allées, en fait. Une première et une seconde. Et la seconde, en fait, se trouve de manière horizontale, hein, mm-hmm. pour rejoindre ce cercle. Sachant que tu sais par où est l'arche, en fait, tu arrives à repérer, en fait, par rapport à ça, par quelle entrée vous êtes arrivé, et surtout par le fait que la première est vraiment qu'une entrée qui ne donne quasiment sur rien, alors que la vôtre est déjà remplie de structures dessinées. Mm-hmm. Donc, en comparant ce que tu vois derrière toi et ce chemin qui est censé être rempli de structures, tu comprends assez rapidement, pardon, que vous êtes rentré par cette route-là. Donc, tu sais que du coup, cette route va mener à une espèce de grand rond, et ce rond-là va donner sur plein de chemins qui vont donner en fait sur des espèces de secteurs, hein, délimités généralement par du bois. Tu remarques à votre opposé exact se trouve un lac. Que au nord semble avoir des constructions, un gros bâtiment. Pour le coup, là, je ne parle pas juste de structure, mais vraiment de bâtiment. Tu reconnais vraiment le principe d'un énorme bâtiment dessiné. Il semble avoir des formes étranges, qui est derrière une forêt en haut de la carte et qui se trouve du même côté que vous. Il y a pas mal de forêts qui est déjà noté sur le plan, donc sûrement qu'à l'époque, avant déjà que la nature reprenne ses droits sur le lieu, il y avait déjà sûrement de la forêt, ouais. Tout comme pour le lac. En tout cas, ça te permet du coup, je rappelle, de savoir qu'il y a un lac, qui se trouve du coup à votre opposé, qu'il y a un grand bâtiment, il y a en dehors de ça, au-dessus de vous, une structure un peu étrange, ça te rappelle... comme si c'était une maison sculptée, tu vois, genre comme si au lieu de simplement faire des maisons comme vous avez carré, la personne s'était amusée à en faire des formes, des ovales, etc. Enfin, ce genre de choses. Et en dessous de vous, bon, sur le plan, hein, pas littéralement en dessous de vous, se trouve vraiment une grosse zone forestière qui est coupée en deux par la route principale, celle par laquelle vous n'êtes pas arrivé, et qui continue un peu jusqu'à arriver au lac. Ça, c'est les informations que tu as, du coup, et que tu devras te souvenir pour la suite. Et comme ça, donc, quelle est la structure la plus proche de nous ? Honnêtement, ça peut s'équivaloir. Ça peut être celle qui se trouve en haut, parce qu'en fait, elle se trouve du même côté. Ça t'évite de traverser toute tout le chemin. Mais en soi, si on calcule les distances, tu dois pas être si loin que ça du lac non plus. Par contre, la forêt, en soi, la partie droite, elle est proche. Par contre, la partie qui se trouve de l'autre côté, elle est plus éloignée. Mais il se trouve proche du lac. Donc en fait, ça va dépendre. En soi, vous n'êtes pas si éloigné que ça de tout. En fait, c'est un peu au centre. On est un petit peu au centre. Ouais. C'est l'idée. Okay. Vous êtes quasiment au centre, en fait, dans votre avancée par rapport à la route dans laquelle vous arrivez. Ok. Et le plus sûrement proche, tu te dis, en chemin direct, c'est la structure en haut. Par contre, le reste, tu peux facilement les rejoindre. Parce que okay, là, je me mets à la place des gens. S'ils fuient Tu vas forcément essayer de chercher le truc le plus visible qui a une structure pour t'abriter. Pas forcément. Pas forcément. Si t'es en mode survie totale, tu vas suivre l'eau. Oui, mais l'eau, tu vois pas l'eau. Là, on est tombé sur le plan parce qu'on est tombé sur le plan, mais on n'est pas sûr que les autres soient tombés. Mais là, est-ce qu'on les voit, les gratte-ciels? Je suis d'accord avec Klinger, moi, parce que les gens, ils ont fui les oiseaux. Alors, ils étaient pas en mode survie totale. Oh, je meurs de soif. Donc, ils cherchaient un abri. Un abri, quoi. Et donc, je me dis, la structure la plus visible. C'est toujours là où il y a des villes et des structures. Oui, non, d'accord, ok, effectivement. Mais quand, si pour chercher un abri, c'est pas très logique. Oui. Du coup, la structure la plus visible, c'est la plus proche, quoi. C'est celle qui est en haut, ouais. Ouais. Et du coup, bah, je dis, les gars. Je pense que on va aller par là. Qu'est-ce que vous en dites? Totalement d'accord, ça me semble évident. Ça me paraît une bonne idée, même si plus un bâtiment est haut, plus ça risque d'attirer la foudre, mais... Ok. Et surtout, plus le bâtiment est haut, plus il y a des oiseaux qui pourraient y faire leur nid. Ouais. Ça oui. Et après, pour la foudre, c'est un événement que vous venez de remarquer. Peut-être que les gens qui étaient là il y a deux jours avant de se faire agresser ne réfléchissaient pas à ça. Oui, prévoir les futurs orages. On essaye de se protéger, mais déjà, la première des choses, c'est de retrouver les autres. Donc il faut penser ce que les autres auraient pu penser à ce moment-là. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là où je suis, mais les autres, ils ont peut-être eu conscience de tout. Surtout qu'il y avait Astrid qui était inconsciente, donc elle n'est plus là. Donc c'est que quelqu'un l'a récupéré, soit eux, soit les oiseaux. Parce que je n'espère pas. Pour répondre à deux choses, alors tu ne sais pas, comme je t'ai expliqué au tout début dans l'introduction, t'as l'idée en fait de comment tu es arrivé là, c'est que en fait au moment où les oiseaux ont pris le dessus, ça c'était le chaos et il y a eu une dispersion générale qui vous a permis en fait où vous avez juste couru vous abriter, voyant que vous étiez en train de perdre le combat et des fois mieux vaut. Peut-être faire des conneries, se séparer, que plutôt juste tous mourir. D'accord. Quoi. Donc du coup, tu sais plus ou moins que t'es arrivé là. Ouais, après c'est embrouillé, quoi. Donc par je... la fatigue, etc. Ouais. Ça me revient petit à petit, mais genre au début, c'est un peu. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Voilà. T'as quand même idée de, tu vois, c'est quand même toi qui allais là. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui m'a emmené, c'est moi qui y suis allé, mais c'est juste avec la fatigue et tout ça, j'ai un peu perdu le. Et j'indique, c'est pas forcément pour vous influencer, mais c'est juste pour vous donner un peu l'état d'esprit que vous pouvez avoir par rapport à ce genre d'événement, parce que vous, joueurs, c'est la première fois que vous êtes confrontés à ça, mais vos personnages, eux, c'est pas forcément le cas. Ouais. Quand vous savez qu'il y a peut-être une grosse tempête, ce genre de choses qui est arrivé, ça peut être plus intéressant de se dépêcher, en fait, de trouver de finir votre mission, entre guillemets, là pour vous, parce que vous avez une mission, mais en gros, d'arriver à ton but et de vite rentrer chez toi, là où l'arche est faite pour être au moins un minimum sécurisé, même si c'est pas parfait, que de chercher abri sur place, sachant qu'on ne sait jamais ce que ça peut provoquer. Ouais. Après, voilà, c'est juste comme ça. Ça veut pas dire que vous avez pas le droit de chercher abri, etc. C'est juste, vous savez que dans la logique, en fait, de mutants survivalistes, des fois, mieux vaut jouer contre la montre plutôt que chercher abri, que ça génère en fait plus facilement des nouveaux problèmes et des morts surtout que jouer à sécurité. De toute façon, moi, clairement, je suis obnubilé, il faut que je trouve Flint, quoi. Enfin, tu vois, encore plus maintenant qu'il y a cette tempête, parce que je sais que s'il va être pris là-dedans, il peut paniquer, il peut partir encore plus loin. Du coup, il faut que je trouve Flint avant la tempête, quoi. Enfin bref, du coup, là, c'était juste pour remettre un peu les trucs, enfin, vous aider un peu à voir comment vous réfléchissez au truc. Du coup, ce que j'ai compris, vous voulez vous diriger du coup vers la grande structure qui se trouve au nord, on va dire. C'est oui. C'est bien cela? Ok. Exact. Et bah du coup, vous allez vous diriger. Pareil, vous restez prudent, hein, sachant que il y a le potentiellement de potentiel. J'ai oublié que le mot, c'est des prédateurs. Merci. qui pourraient vous foncer dessus. Flint toujours prêt. Flint. Klinger. Du tout. Klinger. Flint, c'est le chien. Klinger toujours prêt à utiliser ton unique balle en défense. Les autres prêts à utiliser vos armes de corps à corps pour faire effet. vous avancez. Vous avancez vers... on va appeler ça le nord, on va dire que ça correspond au point cardinal. Plus vous avancez vers le nord, et plus le côté luxuriant devient de plus en plus présent. Là où avant c'était déjà rempli de plantes, ce genre de choses, maintenant vous retrouvez un peu ce côté forêt avec cette difficulté que vous avez eue déjà à traverser la première fois. En tout cas, peut-être chose bête, mais la présence d'arbres au-dessus de vous peut vous rassurer un peu. Vous dites qu'au moins ils pourront pas les oiseaux peuvent pas vous attaquer. En tout cas, pas aussi grand nombre de manière aussi aisée que quand vous étiez à ciel découvert. Pour l'instant, après, ça peut aussi créer peut-être un stress chez les plus parano d'entre vous qui disent qu'ils ne peuvent pas surveiller le ciel. À vous de voir comment vous gérez ça. Dans tous les cas, vous vous enfoncez. Je vais demander à ceux qui souhaitent surveiller particulièrement les lieux dans lesquels vous marchez de faire un jet d'observation encore une fois. Alors, observation... C'est intellect 3 plus... donc 4, ok. Tu as le droit. Rien du tout. Ok. Personne. Eh bien, vous continuez votre chemin. Vérifiant, hein, vous prenez quand même la peine de vérifier, j'allais dire, mais ça fait une répétition de surveiller un peu l'environnement qui vous êtes proche, sait-on jamais. Vous savez particulièrement que selon les quelques zonards qui traînent à l'arche, la nature peut être particulièrement des fois vicieuse. Alors, à l'époque, vous vous amusiez de leur histoire, vous disant que de toute façon c'était la pire idée du monde qui pouvait exister de sortir de là. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire l'exploration et à déjà en payer les prix. Peut-être que finalement, Lena avait raison, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, vous devez au moins retrouver vos amis. Les sauver s'ils en ont besoin. Et retourner avec le minimum de pertes à l'arche. Le temps de se remémorer tout ça, de se redonner confiance, de peut-être discuter entre vous. Vous arrivez au pied de cette énorme structure. La structure, en fait, semble finalement être qu'une façade. Quand vous arrivez devant, vous voyez effectivement qu'il y a ces énormes structures avec des cercles, des espèces de pylônes, ce genre de choses. Et c'est plutôt intéressant. Mais en fait, quand vous êtes rapproché, vous remarquez que derrière ça, ce que vous pensez du coup était un bâtiment uniquement composé de cette manière-là, en fait, derrière ces pylônes se trouve en fait un renforcement directement de la roche, comme si ça entrait dans une grotte. Bah du coup, je m'approche, moi, en faisant attention de la structure. Tu t'approches. Il n'y a pas de cocon sur les parois. En gros, il y a un bâtiment. Et en dessous, t'as une grotte ? Pas en dessous, en fait, derrière, tu vois. Genre, en gros, Tu sais, c'est comment dire ça ? Bah, en fait, ce que vous voyez, vous, comme une structure, ce que vous pensez que c'était, tu sais, le bâtiment en fait. Entier. En fait, c'est qu'une D'accord. façade, c'est comme une entrée. Et en fait, derrière, ça fait rentrer dans la grotte, tu vois. En gros, en fait, tout le bâtiment, tu tombes sur la grotte. C'est ça. Ok. Et repose-moi ta question, X, désolé, je l'ai pas entendu. Pas de cocon sur les murs n'importe où. Effectivement, tu as très raison de surveiller. Et il n'y a effectivement pas de cocon. On ne sait jamais. Peut-être c'est mauvais. Le véritable ennemi de ce scénario. Du coup, bah, je m'approche avec prudence, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est qui prudence ? Elle est très sympa, tu verras. Tu t'avances. Est-ce que les autres vous joignez son mouvement ou vous restez plutôt sur vos arrières? Je suis, mais en tâtonnant. Bien sûr. Vous avez le droit. Je suis franchement. Ok, tu suis franchement. Il y a ceux qui sont habitués à l'aventure et le chroniqueur qui... Mais moi je raconte cette histoire. Non, mais c'est ça. Je les vis pas. En fait, je me prépare à me camoufler d'un instant. Effectivement, étant reptilien, ça peut être très utile. Mais une question se vient quand vous arrivez du coup à cette entrée de la grotte, hein, pour vous dire en fait la structure en façade, en fait elle a une énorme ouverture, vous savez, comme une énorme porte gigantesque. Là, mon indication ne marche que pour les joueurs, j'ai envie de dire médiéval, mais pour vous, vous savez pas ce que c'est. Mais au moins les joueurs ont l'image. La Moria. Oui, c'est ça, c'est l'idée, tu vois. Genre, en fait, elle est déjà ouverte. Elle est donne directement, effectivement, sur la grotte. Sauf que du coup, la question qui vient se poser, c'est comment allez-vous du coup lutter contre l'obscurité dans cette grotte ? On n'est pas dit Thanos. Parce que. Non. Alors, j'ai peut-être un doute sur un joueur, mais il me semble que non. Je ne pense pas. Non, parce que techniquement, en tant que reptilien, lézard. Je regarde, hein, sait-on jamais, est-ce qu'il y a une petite affirmation? Sinon, au pire, je peux vous aider, j'ai des boîtes d'allumettes. Bon, ça peut pas... C'est pas ouf, hein, mais... Ah, ok. C'est là que et peut-être... Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais, Flint aurait été bon. Flint ou Astrid, peut-être. J'ai entendu ça. Qui a des boîtes d'allumettes? Moi. C'est Annette. Je pense que c'est le moment de les utiliser, hein. Pourrait se faire une torche de fortune. Ouais. C'est vrai qu'une allumette, ça dure pas longtemps. Ça va être très con. Non, mais ça, une torche de fortune, allumer un... On prend un bâton, puis on met le feu au bout, et voilà. Ouais, enfin, pour mettre le feu au bout avec une allumette, avec un bâton... Ouais. Attends, il faut du tissu. Attends, je vais te couper un petit bout. Alors, attends. Oui, deux... Bouge pas. dis-moi, X, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un petit test d'intellect ? D'intellect ? Très. Juste intellect. Juste intellect ? Oui, juste l'attribut. Zéro. Eh bien, malheureusement, tu n'as pas connaissance de ce principe de craft, tu n'as pas beaucoup travaillé avec des torches dans ta vie. Je peux essayer, moi, du coup, voyant qu'il ne réussit pas, j'essaie de voir. Bah ouais, mais il a en voyant qu'il devant. Ne réussit pas, alors, vous pouvez pas vraiment voir qu'il ne réussit pas, parce que vous pouvez pas voir que d'un coup, un joueur a une idée, mais que le personnage ne le connaît pas. Non, mais dans ce cas-là, bah ouais, après, j'ai vu qu'il a pris l'idée avant qu'on tente. Je vous l'accorde. Sachez que sur ce genre de jet, plus ça avancera dans la campagne, moins je le laisserai passer pour le côté survivaliste et. En fait, pour le truc, pour l'idée, en fait, c'est que chacun de son côté, on essayait tous de faire une torche. C'est chacun de son côté. Vous n'avez pas de torche. Pour l'instant, je vous l'accorde. Hein, je ne suis pas encore passé. Merci, monsieur MJ. Mais ça va venir petit à petit. Ok, ça c'est bon. Mais heureusement qu'il est là, parce que je peux pas faire grand chose. Ce qui est logique, parce que tu es chroniqueur, tu es le celui qui a le savoir finalement. Et. Que la lumière fuit. Tu sais, pour tout simplement en avoir déjà fait, et en fait en avoir quasi failli en acheter une, hein, tu sais que, bah voilà, il faut un tissu pour que le bien indué. Je sais que de préférence, les gens ont tendance à imbiber le tissu d'alcool, mais vous n'en avez pas sur vous, donc il va falloir faire sans. Peut-être la torche sera moins efficace, moins longue, mais au moins, ça est déjà un début. Alors, est-ce qu'on peut, à partir du moment où il y en a une qui a été faite, donc qui brûle, d'en faire deux autres avec le... Par contre, où trouvez-vous le tissu ? Le panier. C'est une bonne question. Est-ce que, tout hasard, il y aurait pas du tissu là où à côté d'où on est, par chance? Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi directement tous les personnages à trouver. Et puis il y a aussi. Non, mais par chance, il pourrait se trouver du tissu. Je ne sais pas. Non, mais au pire, si vous avez pas de tissu, je sacrifie mon pagne. Ah, laissez passer, laissez parler notre ami. Je l'avais dit au début, mais moi je parlais de mes vêtements. Hein. Alors, tu as tout à fait le droit. C'est très bien. Après, n'oublie pas que ça veut dire que si vous ne rentrez pas à la nuit tombée, tu risques d'avoir très très chaud à tes fesses. Enfin, plutôt l'inverse du coup. Non. Ouais, puis t'es froid. Très très froid. Oh, j'ai chaud. Mais quelle nuit chaude. Tu peux prendre cher par contre et finir en hypothermie. Non, mais est-ce que on n'avait pas. Tu as tout à fait le droit. Je te l'indique parce que voilà, comme ça, toi joueur, tu le sais, parce que ton personnage a aussi conscience. Mais tu as tout à fait le droit et moi, ça me va très bien si tu fais ça. Ok. Mais du coup... J'allais dire, est-ce que je suis assez intelligent pour dire... Et finalement, vu que ça brûle vraiment longtemps, on pourrait retourner en arrière et regarder dans la sève des arbres. Ça brûle bien. Ouais, mais toi, tu savais pas le faire. C'est elle qui a su. Oui, alors, oui, mais après, je conclue peut-être que vous en avez parlé, etc. Le fait que tu puisses savoir qu'il y a des endroits où il y a du tissu, ça oui. C'est vraiment en fait sur le côté pratique, construction, ça, ce genre de choses qui vont avancer avec l'avancement de l'art, genre la culture, technologie, où je vous demanderai de faire des jets. Mais ton personnage est assez intelligent pour faire des réflexions quand même, t'inquiète pas. Je vais demander juste si je suis. Enfin, si j'ai connaissance que la sève, ça brûle bien. Que là ? Sève. La sève des arbres. Ah oui, c'est autre chose. Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis. Oui, désolé, je sais pas ce que j'avais compris. Parce qu'à la base, c'est Annette qui a trouvé comment la faire. Ouais. Alors, du coup, nous, on est en mode. Après, tu peux très bien savoir que la sève, ça brûle sans réfléchir au fait que ça serve. Fais-moi un jet. Sachant que par contre, je te donne un dé malus parce que tu ne connaissais pas le principe de la torche. Mais par contre, avec 2 dés, t'as une chance. T'as une chance. Fais-nous rêver. Ouais, voilà, c'était la chance. Malheureusement, du coup, non, ton personnage n'a pas encore les connaissances pour ça. Ouais. Peut-être développant la culture de l'arche, ça pourrait s'améliorer. Donc, la structure, on est bien d'accord, il n'y a rien à côté, en fait. C'est juste une façade et il n'y a aucun, c'est ça, aucune ouais. chose... Ça pas continué. En fait, le côté, en fait, c'est la... Quasiment en fait la fin de la zone en fait c'est en fait t'as les espèces de remparts que vous savez que vous avez trouvé quand vous êtes rentré quoi et c'est tout et en fait c'est vide en fait à côté de cette structure entre guillemets vide il y a de la faune hein, il y a de la flore mais il y a rien d'autre en fait et du coup ouais t'as cette façade structure et la forêt qu'on vient c'est quel type d'arbre c'est quel genre de forêt c'est des chênes c'est des est-ce qu'on peut le savoir Non, mais en gros, pour avoir une idée visuellement, genre si c'est des trucs un peu lianes, machin, on peut toujours essayer d'utiliser de les lianes parce que c'est des fibres. Ah, donc, oui. Au final, pour. Ça, c'est sûr. Après, je suis pas censé savoir que peut-être c'est des fibres et que ça brûle, mais bon, je pense qu'on est, on est survivaliste, donc après, on est quand même. Enfin, vous êtes débutant survivaliste, hein, vous êtes jamais sorti de l'arche avant. Mais bon, ça reste un arbre. En fin de campagne, ça pourra venir naturellement. Tant pis. Enfin, fin de campagne, ça dépend combien de temps elle dure. C'est quand même gentil. Non, mais c'est pas grave. J'ai réfléchi. Non, mais déjà, je réfléchis en fait au type d'art, parce que je vois la faune et la flore, mais j'ai pas regardé en fait par rapport à la situation géographique, je me rends compte quel genre d'arbre il y a dans le coin. Mm-hmm. Mais de ce que moi, du coup, j'avais, les arbres ne sont pas particulièrement créateurs de lianes, mais il y a quand même des... vous savez, ces plantes, la dernière fois, j'avais encore perdu. Bon, et oui, voilà. Lierre grimpant, oui. Il y a de la lierre, par contre, sur pas mal de structures, et notamment celle qui est en face. Mais les arbres en eux-mêmes, par contre, n'ont pas de lierre. Voilà. Au pire, on pourrait arracher du lierre, et on fait un tour, mais comme il y a de la verdure dessus, j'ai peur que ça brûle pas des masses. Après, on passe beaucoup de temps pour une torche, hein, vous savez. Ouais, non, c'est pas faux. Mais... Bah, après, c'est la torche et aussi, est-ce qu'on risque l'hypothermie pour un ami hein. C'est je ça aussi. Que ce genre de questions se posent. Oui. Bah, allez, allons arracher vite du lierre. Bah, on va voir si ça brûle. Avant de te déchirer des fringues. Hein non, du lierre. Je teste. Oui. Vous déchirez, oui. Tu vas tester. Tu vas me faire un jet de chance. Mais il n'y a pas de compétence chance. Bah du coup, tu vas juste lancer le nombre de dés que je te dis. Et tu vas lancer 3 dés. Ok. C'est pas possible. Non, mais lance 3 dés, pas 1 dé. Ah oui, ils comprennent rien, ces joueurs. Nothing. Pas 6. Ça ne marche pas. Tu vas en fait proclamer et en fait ce que tu vois c'est que la plante en fait réagit très mal au feu en fait au mieux de s'enflammer en fait elle fane juste tu vois genre elle noircit et se ferme sur elle-même quoi ce qui du coup ne prend pas feu autour de ton plan et tu viens de perdre une allumette et j'ai perdu deux allumettes alors oui du coup qui est le plus habile. Alors, ça par contre, je peux à peu près répondre. Logiquement, c'est Klinger avec sa tenue de chasseur parce qu'il a une surveste, etc. Ensuite, c'est Annette parce que les chroniqueurs sont habillés de manière normale. Après, c'est les esclaves parce que bah, forcément, hein, les esclaves, faut qu'on les habillerait de manière bien. Alors, ce que je propose de faire pour que ce soit le moins contraignant, j'ai une veste et j'ai une chemise ou un truc en dessous, j'imagine. Ce que je vais faire, c'est que donc j'enlève la veste et je déchire juste les deux manches pour faire deux torches. Très bien. Ok. Et que je remets ma veste par dessus. Donc en gros, je suis quand même au chaud. Tu vois, j'ai perdu des manches. On a deux ou trois torches. Là, on aura deux torches parce que là, j'ai deux manches, j'ai que deux bras. Je suis déçu. Il y avait un piège avec ta veste, mais du coup, ça marche pas. Tu peux au moins tomber dans les pièges, quoi. Très bien. Non, mais en vrai, tu déchires tes manches. C'est une excellente idée, en vrai. Tu déchires juste tes manches, ce qui fait que bah, tu restes quand même assez bien habillé. Tu remets ta veste. Et vous allez pouvoir enrouler du coup deux bâtons de bois. Je vais te demander en fait de lancer un des six, mon cher Morgan, et ça va donner le nombre de allumettes que tu vas défoncer pour allumer ces torches. Tu fais un 1, c'est le moment de faire un 1. Parfait. Deux, voilà. Et bah écoute, t'as raté la première, mais t'as réussi à allumer la deuxième. Et à partir du moment où la première a pu commencer à cramer, même si ça prend pas super bien, parce que encore une fois, c'est pas imbibé d'alcool. Toi, tu sais, en tant que chroniqueur, c'était un truc que faisaient les gens dans l'arche pour les quelques torches qui a été créée. Et mais malgré tout, ça finit par prendre un feu raisonnable, ce qui te permet de rapidement faire les deux torches. L'éclairage ne sera pas idéal, mais au moins vous ne serez pas dans le noir total. Vous allez pouvoir du coup vous enfoncer. Au-dessus de vous, les nuages ont commencé à arriver de plus en plus proches, mais ils sont encore assez lointains. Vous avez encore du temps de marge devant vous. Est-ce qu'on voit que la grotte est assez... Alors tu as coupé, mais je suppose que la question c'est est-ce qu'elle est assez longue, profonde, oui, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. mais je répète, parce que comme ça enregistré, comme ça au moins pour les gens c'est agréable d'avoir la phrase. En vrai, c'est sûrement un peu profond, mais tu sens que, vu que de toute façon, il y a la structure de ce lieu qui entoure les bâtiments, tu peux en fait de l'extérieur en fait prévoir à peu près jusqu'où va la grotte si elle ne va pas en profondeur. Du coup, elle est sûrement un peu profonde. Tu sais qu'il va y avoir de l'exploration, il y a facilement peut-être une centaine de mètres peut-être facilement qui peut s'enfoncer, ce qui permet d'avoir cette obscurité totale, etc. Après, si elle va en profondeur, peut-être qu'elle sera très profonde, ou soit sinon elle sera juste assez profonde sans plus, quoi. Ok. Du coup, quand j'arrive devant l'entrée, je sais que c'est pas très intelligent de faire ce que je vais faire, mais je vais le faire quand même. Oh. Le siffle. Tu siffles. Ton sifflement résonne. Qu'est-ce que t'as fait? Et alors que Annette commence à te hurler. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que t'as fait? Attends. Tu entends un sifflement revenir. Il est vivant. Attends, mais non. C'est déjà si ça siffle, c'est que c'est humain. Humain, ouais. Du coup, je vais dire. Alors, il y a Astrid, mais je me rappelle plus les autres noms. Valerian, qui était, tu sais, le frère de la chroniqueuse le pire ami d'Astrid. Marl, qui était son fracasseur bras droit. Ouais. Astrid et Flint. Ok. Ça. Astrid ? Valerian ? Marl ? C'est vous ? Ta voix résonne. Tu entends le sifflement du coup se répéter. Ça resiffle. Ouais. Écoutez. Est-ce que c'est pas un retour d'écho, non? Non, mais là, il va pas être aussi long. Tu vas pas. un écho va pas répondre en sifflant à une personne qui. Parce que si. Sens, Vous entendez qu'il y a une variation dans le sifflement, c'est pas le même. D'accord, ok. C'est pas le même. Et puis surtout, voilà, si ça avait été un écho, mes paroles seraient revenues aussi, non, mais elles sont pas revenues. Oui, ouais, bah non. Tout à fait. Bah écoutez, je leur propose, soit on y va et on sait pas vraiment sur qui on va tomber, ou alors on reste là, et mais je pense pas qu'on ait vraiment le choix. On y va. Ok. Eh ben on y va. Je rase les murs. Donc là, j'avance. Alors, qui tient les torches d'ailleurs, parce que je vous laisse tenir les torches. Moi. Mais moi, j'ai un fusil dans les mains, accessoirement. Ah merde. Prends les deux torches. Bah, okay, vous êtes. Tiens, parfait. Prenez les torches, c'est une pelle. Parfait. Non mais j'ai rigolé. Hein. Prends une torche. Non mais. Ah ok. Voilà. Et moi, je tiens le flingue. Parfait. Et on avance doucement. Ok, vous avancez. Tu t'enfonces. Comme prévu, la grotte fait quand même facilement une bonne centaine de mètres, ce qui fait une petite marche sans que ce soit non plus incroyable. Enfin, rapidement, en fait, vous tombez sur le bout de la grotte. En rentrant dedans, d'ailleurs, vous remarquez que la pierre qui la compose n'a pas l'air très réelle, comme si c'était une reproduction dans un matériel qui n'a pas l'air... vous êtes connu. Je tape dessus. En toquant, tu vois que c'est... ça sonne... creux. Ouais, c'est pas forcément creux, mais c'est très étrange comme texture. C'est quelque chose auquel tu es pas forcément très habitué. Ouais. Je suis pareil, mais avec ma pelle. Je tape un peu avec la pelle. Je tape dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça sonne pas comme de la roche. La roche, ça va sonner plein, ça va... Est-ce qu'en frappant avec ma pelle, ça s'effrite? Non, ça ne s'effrite pas, par contre. D'accord, ok. Ok. Malgré tout... quand vous êtes rentré, hein, la grotte c'est assez réelle parce qu'il y a plein de plantes qu'il a surbordonné. Vous savez pas si du coup, peut-être que c'est ce qui vous a donné cette impression de réalité ou si ça prouve qu'il y a quelque chose d'autre. Dans tous les cas, vous avancez et vous finissez par tomber sur Valériane, assis, en sang, un œil manquant et qui semble être incapable de bouger dans sa position. Il est affalé. Vraiment contre la paroi et semble à peine vous regarder. Il saigne ou il saigne plus? Tu supposes que c'est du sang séché, mais okay. C'est une bonne question. Bah on s'approche de lui. Je vais essayer de lui faire un garrot. Pareil. Vous vous approchez. Valériane. Il peut plus parler. Enfin je suppose. Désolé. Je suis totalement. Je peux pas bouger. Je veux dire, t'inquiète, on va s'occuper de toi. Bouge pas, ne bouge pas. T'es tout seul? Oui. Je suis un peu pris cher par ces merdes. En vous approchant, vous voyez qu'effectivement, l'orbite de son œil droit est totalement, genre, vide. Oh, putain. Ah. Le sang, il y a toute une marque ensanglantée au niveau de cet endroit. Et vous pouvez voir, du coup, les petits... j'allais dire les petits fils, hein, comme si c'était... Mais vous voyez l'idée, quoi, les petits... les muscles, les muscles... Ouais, c'est ça, merci. Les muscles, etc. Ouais. Ce qui est nerf, et tout ça, ok. Ok, Bah déjà, je lui donne... Moi, je lui donne de l'eau, je lui donne de l'eau. Je lui donne un peu d'eau. Parce que j'en ai, moi, je crois. Le temps de l'eau, tu vois qu'il tourne un peu la tête. Ses mouvements sont très lents, comme si le moindre de ses mouvements était épuisant pour lui. J'essaie de pour pas qu'il bouge. Très bien. Ok, tu le fais maintenir. Voilà. Marion, du coup, te répond pas besoin d'eau. J'ai pu m'hydrater avec ce qui me restait en ration. Si vous avez par contre quelque chose à manger, ça. Pourrait m'aider un peu. Je lui donne ma dernière ration de nourriture. Attends, tu peux te déplacer ou pas? Non, je suis totalement... Je peux plus bouger mes membres. Ok. Je lui donne pas de nourriture. Je regarde mes compagnons et... Là, ça pue, là. Je te demandais à toi, du coup, vu que tu es chroniqueur, de faire un jet. Ouais, non, là, ça pue. Ah, c'est pas... Alors, après, ça pue, c'est pas la première fois où vous voyez des personnes dans des cas très graves comme ça. Ouais, mais quand même, on n'a pas de quoi se soigner. Surtout s'ils sont plus ses membres. Du coup. Faire un jet du coup de. Ouais, alors ça dépend de ce qui t'arrange. Je suis en train de regarder tes trucs. De soins, parce que tu as. Ouais. Ah non, merde, c'est pas toi. Ah, j'étais pas sur la bonne fiche. J'ai un de soins. Ouais, et en observation, tu as un aussi, donc ça revient au même, c'est ça? Oui. Ah non, ça n'a pas dit. Bah écoute, tu as le choix, soit un soin, soit une observation. Ça sent que soin sans empathie, t'as 5D, donc. Ça peut. Ah, soit c'est empathie, d'accord, ok. Ben, go. Je vais essayer. Okay. Je sais pas comment je vais faire ça, écoute, mais. Ok. Bah, t'as Dice Log au pire. Et du coup, ça te fait 6D à lancer. 6D ? Ouais. Ah, oui, du coup, oui. Ok. 2-6. Ok. Du coup, ce que tu sais. Vu que tu as fait une réussite et une prouesse, c'est qu'actuellement il est dans un état affamé, dans le même état que tu avais trouvé Klinger quand tu es arrivé. Il est éborgné, ce qui n'est pas mortel, hein. Ce n'est pas quelque chose de létal, vous savez, maintenir ça en vie. Mais c'est moi qui m'inquiète. Ça reste effectivement, ça fout par contre du. Pour lui, ça. Bon voilà, hein, ça c'est coincé. Pour les membres, tu comprends mieux, en fait, ce n'est pas vraiment ces membres qui sont atteints. Tu, en fait, en l'orient, je suis parti du principe que tu fais un peu un petit diagnostic, étant donné que tu es un peu, entre guillemets, le médecin, même si ce n'est pas ta spécialité du groupe, et que tu es le seul à pouvoir donner un diagnostic aux autres. En fait, il a eu un des poumons qui a été perforé. Tu sais que ce n'est pas quelque chose de particulièrement létal, en soi. C'est une... C'est quelque chose que vous pouvez gérer sans que ce soit forcément mortel, mais tu sais que dans une période de 1 à 6 jours, si c'est pas traité, ça peut s'aggraver. Et devenir très dangereux. Par contre, en soi, c'est quelque chose que si vous le ramenez rapidement, vous serez capable sûrement de le remettre sur pied rapidement. Mais en l'état, il ne peut pas marcher. En l'état, pour l'instant, il ne peut pas marcher. Ce qu'il faudrait... Okay. Ce que tu sais, ce qui permet un peu moi d'évoquer un peu les règles par rapport à quand vous, le jour où vous serez vous-même brisé, parce que c'est ce qu'il est. Ce qu'il lui faut du coup, c'est un rétablissement avec au moins 4 heures de repos, sachant que je peux considérer que c'est plus ou moins déjà un peu le cas, étant donné qu'il ne bouge plus depuis un moment. Et une ressource dépendant du type du traumatisme. Encore une fois, lui il est affamé, je te le dis parce que tu as fait une prouesse, donc je peux te le dire directement. Donc, tu sais que lui donner une ration de bouffe et lui laisser un peu de temps lui permettrait sûrement pas de le rendre très optionnel, mais au moins de le permettre déplaçable et pourquoi pas le mettre en sécurité jusqu'à temps que vous trouviez les autres. Ouais. En gros, il est épuisé, quoi. Il est dans l'épuisement total, quoi. C'est ça. C'est pour vous dire, comme ça, ça me permet de... Pour vos propres personnages, parce qu'un jour, ça vous arrivera forcément, il est dans l'état, vous savez, qu'on appelle brisé, c'est quand, en fait, il a pris des traumatismes suffisants pour tomber à zéro dans la catégorie. Et dans ce cas-là, en fait, c'est quelque chose de critique, mais c'est quelque chose de soignable à partir du moment où c'est traité rapidement. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. X, il te reste combien de nourriture et de... 4. 4 ? Oui. D'accord. Donc, je te laisse, limite, donner de la bouffe. Oui, c'est ce que j'allais lui dire. C'est ce que j'allais dire. Je vais lui donner une ration. Okay. C'est... Donc je leur dis en même temps le diagnostic que j'ai. Ok, ben repose-toi, mange et repose-toi. On va essayer de faire un peu le tour si on trouve pas les autres dans le secteur. Qu'est-ce que tu te rappelles pour la dernière fois? De la dernière fois. Vu Astrid se faire emporter par cette merde. Merde. Quoi? Elles sont assez fortes pour la soulever? Ils étaient, je crois, 2, mais oui. J'ai rien pu faire, j'ai essayé de m'interposer, c'est comme ça que ces merdes m'ont pris mon œil, mais faites attention, j'ai l'impression qu'ils attaquent très facilement les yeux. Et Marl et Flint? Aucune trace. Merde. Ça a été la panique au moment où ils ont été trop nombreux, ils sont... Évite de trop parler. J'essaie d'éviter qu'il parle le moins petit parce que mon Merci. En tout cas, la nourriture m'a déjà... Clairement, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut utiliser, vu que tu es dans la capacité pour l'instant de te déplacer, utiliser cet endroit comme base, pseudo-base temporaire. Le temps que je suis resté, j'ai vu rien passer par ici. Ça m'a l'air à peu près... À peu près sécure, quoi. À peu près safe. Ouais. Okay. Et si tu veux, on peut, avec les torches... qui sont encore valables, on peut essayer de te faire un feu, amener du bois, un peu de bois, et te faire un feu de fortune, quoi. Et pendant ce temps-là, on va essayer de faire le tour du secteur, voir s'il n'y a pas d'autre chose. Et tu disais, pardon, X, parce que des fois... Non, je disais, faut pas que tu prennes froid, c'est tout. D'accord. Si vous pouvez, ça serait gentil, en tout cas. Ouais, on va faire ça. J'ai déjà résisté jusqu'à maintenant, je peux résister quelques heures supplémentaires. D'accord. En tout cas, je suis heureux de savoir que t'as rien, Klinger. Ah ben, moi je suis heureux de t'avoir trouvé déjà, et en vie surtout. Maintenant, faut trouver les autres. Bon, écoutez, on va vite faire le feu. Le feu, ouais, et puis... Très bien. Vous, de toute façon, étant donné que vous êtes dans un lieu rempli de... bois et de plantes, effectivement, trouver des branches, ce genre de choses pour lancer un feu, ne va pas être la chose la plus compliquée du monde. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet. Dans tous les cas, ça sera une réussite pour voir à quel point vous trouvez des ressources suffisantes pour faire un feu qui tiendra plus ou moins longtemps. Voilà, ouais, comme ça, si vous avez envie de... Et c'est quoi comme jet, ça ? Je considère que vous faites un bon jeu. Ça est un jet de... ça sort un peu de son cadre, mais on l'a jamais utilisé. Moi, j'aime bien les connaissances de la zone. En intellect. Connaissance de la zone, ouais. J'ai... Intellect. Zéro. Super. Donc 3. C'est pas grave, tu lances que attribut. Ouais. Rien. Succès. Ok. Ah, j'ai 2. Ouais, ça, c'est pas grave, pour l'instant, est-ce que t'as des 6? Non. Ok. Bon, moi, du coup, je me démerde. Ouais, j'arrive à trouver des trucs. Bon, bah, malheureusement, ça sera qu'une seule réussite. C'est dommage, avoir plus de progrès, ça aurait été sympa. Donc, du coup, je considère qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, tu trouves du bois pas trop humide, assez sec. Et du coup, tu sais, qui durera assez longtemps. Pour le laisser tranquille au moins quelques heures, le temps de faire le tour, tu sais que ça sera d'accord. Bien. Bah du coup, je pense qu'on va essayer de faire un peu le tour du secteur, voir si on trouverait pas les autres dans le coin. Ok. Personne va venir, il est resté là des heures sans qu'il y arrive quoi que ce soit, il pourra rester tout seul sans nous pendant un petit temps. Et puis il a de quoi faire. Faisons vite. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a à côté, mis à part cette grotte, qui pourrait être susceptible de... Vous ressortez de la grotte, et en fait, quand tu ressors de la grotte, en fait, tu te trouves tout en haut, sur le côté. Donc, malheureusement, t'es moins au centre, et donc, la possibilité d'arriver rapidement aux autres points. Il y a, en fait, sur la droite, donc vers l'ouest, on va dire, puisque là, vous êtes orienté sud, il y a le... Tu peux voir, en fait, au loin, au-dessus de la petite forêt, l'énorme bâtiment qui était construit, qui est pour le coup vraiment un bâtiment vraiment carré, qui dénote du coup avec le reste. Bah, go, je pense qu'on va aller par là. En plus, il a l'air costaud et peut-être qu'ils sont allés se planquer là-dedans pour se mettre à l'abri des oiseaux. Ouais, allons-y. C'est parti. Ah, on part directement à la recherche des autres ? Ah, bah oui, on y va, on n'a pas le temps, tempête approche, il faut se grouiller. Ok, vite. Vous du coup remettez en chemin. Effectivement, Klinger et X ont pas tort. Trouver les autres le plus rapidement possible avant la tempête, c'est la meilleure des solutions que vous avez. Et pouvoir être efficace serait sûrement la chose la plus désirable pour vous. Vous enfoncez du coup dans la forêt. Je vais demander du coup à chacun de faire un test d'observation pendant que je continue ma narration. Vous enfoncez, encore une fois vous retombez du coup dans ce niveau luxuriant, de ce côté véritablement forêt, comme celle qui entoure, pas forêt aménagée. Ok, réussite. On peut pas du coup faire connaissance de la zone Là c'est observation. Observation, d'accord. Dommage. Zéro. Ah, ça marche pas à chaque fois. Et... Et zéro. Tant qu'il y en a un qui réussit, après. Effectivement. Vous... Oui, on a eu un 1. Vous, du coup, vous enfoncez. Et les arbres sont assez hauts. La faune et la flore vous rend le trajet assez difficile. Fort heureusement pour vous, X a la bonne idée, en fait, de juste regarder aux alentours le ciel, voir un peu ce qui se passe. Et X, ce que tu vois, t'effraie un peu. Non loin de vous, à peut-être une centaine, 200 mètres, sur le haut, en fait, d'une structure en ferraille qui vous surplombe, tu vois ce qui semble être une construction, non pas humaine, mais animale. Et ça, c'est quelque chose que tu connais. C'est sûrement un nid. Le truc est gigantesque. Il doit faire au moins facilement 50 mètres de diamètre. Et il est à 200 mètres de vous en termes de distance, si vous continuez dans cette direction. Alors, je sais pas si vous avez vu le... Là. Je regarde. Oh. J'irais bien jeter une torche dedans. Par sécurité. Attends, c'est au-dessus ou au-dessous? C'est ouais, au-dessus. C'est à 200 mètres. Ouais, non. Non, mais on va peut-être éviter de monter jusque là-haut. Enfin, de toute façon... Ouais. Oh, mais putain, Astrid. Ah oui. Non, je pense qu'honnêtement, il faudrait peut-être y retourner la nuit. Je sais pas. Ouais, je crois mais qu'il... D'ici là, la tempête se sera peut-être pointée. Oui, la tempête sera pointée, mais ça sera moins dangereux. Non. Ouais, ça dépend. Si tu prends un éclair dans la tronche, tu vas voir si ça sera. Non, mais de nuit, il sera tempête. On attend que machin se régène. Et puis on y va avec lui. Non mais Valérian, il n'aura pas les moyens, de se déplacer. Il est dans un état quand même. Ah. Après, effectivement, si on attend à tomber, il sera sûrement capable de se déplacer. Il sera sûrement pas. Tu sais, comme toi actuellement, tu vois, genre, si on te demande de faire un sprint, oui, t'auras du mal. Oui. Mais grimper. Et voilà, effectivement, après, voilà, il ne faudra pas lui demander des milliers de cents. Par contre, du coup, X, je te vois depuis tout à l'heure. Je t'écoute. Je disais peut-être. D'abord grimper dans le grand bâtiment qui nous permettrait d'avoir une meilleure vue d'ensemble et peut-être qu'on verrait si elle est là ou pas. Ce qui nous évitera un voyage ou deux. C'est pas faux. Bah, de toute façon, il faut qu'on fasse les deux. Enfin, on peut faire déjà le bâtiment, rien nous dit qu'elle est, elle est là-dedans. Et puis si jamais on trouve Marl et qu'il est en état, on sera déjà un peu plus nombreux, voire Flint. Il vaut mieux d'abord faire ce qu'on est capable de faire maintenant avant de se lancer dans ce qu'on sait pas comment ça va être après. Donc on fait quoi? On continue vers le bâtiment? Bah ouais, on continue vers le bâtiment justement où il n'y a pas de lit. Ok, moi c'est parti. Vous continuez vers le bâtiment. Vous restez effectivement vigilant vis-à-vis de cet énorme nid. Malheureusement, en fait, au bout de 50 mètres, vous remarquez que vous semblez rentrer un peu dans leur zone peut-être de protection, parce que chaque pas que vous faites provoque des croissements horripilants, des bruits qui s'étendent jusqu'au ciel aigus, comme des avertissements. Plus, à chaque pas, des becs semblent apparaître du haut du nid, comme s'ils commençaient à vous épier. Comme s'ils savaient que vous étiez là. Ok, peut bouger, on bouge plus. On bouge plus. Peut bouger. Peut bouger. Que c'est, siffle. Oula. Bon. Et là, faut imaginer. Bon, alors, on avance. Doucement. D'accord. T'es sûr? Tais-toi, tais-toi, on avance. X, tu veux dire quelque chose? Non, non, on y va. Très bien. Ok, je me mets en... Direct... Comment ça s'appelle? Continuez d'avancer. Je me mets direct en compétence pour me... Très bien, ça va coûter un point de mutation. Très bien. puisque tu as utilisé en fait du coup ton ta mutation, et donc du coup tu vas pouvoir lancer autant de D6 que tu mets de points, sachant que je crois que celui-là c'est un point, si je ne dis pas de bêtises dans ce que je t'ai envoyé, reptilien, c'est ça, c'est un point. Du coup tu vas lancer un D6, et si tu fais un 1, et ben il y aura peut-être des complications. C'est une blague. T'as fait un 1 ? C'est trop bien. C'est ma première complication. Attends. Moi je suis content. Oui, bon, du coup j'ai pas noté c'était quelle page les complications. Normalement ça doit être par là, je pense. Je deviens un vrai lézard. Et bah du coup, tu vas me lancer s'il te plaît un des 6. Ok. Un des de base. 2. Très bien. Alors, il faut que je lise un peu l'effet pour savoir du coup c'est quel, parce que le 2 il a un 2 plus. Alors, deux choses d'une. Premièrement, tu utilises ta capacité du coup, effectivement, de reptilien pour utiliser un peu un camouflage. Tu sais par contre, effectivement, que tes vêtements eux ne s'adaptent pas. Oui. Donc, il va falloir peut-être les retirer si tu veux être totalement discret. Vas-y. Par contre, au moment où tu actives, peut-être par le stress, peut-être par quelque chose comme ça, d'un seul coup, en fait, tu perds totalement ton orientation. Genre, tu te trouves désorienté. Genre, comme si, en fait, tu la tête qui tourne et d'un seul coup, tu... À la limite, ignorant. C'est genre ma tête qui tourne ou c'est vraiment genre je sais plus où je suis. Non, si tu sais quand même qui tu es, mais en fait c'est vraiment genre d'un seul coup en fait tu viens de perdre, tu sais, genre je sais pas comment dire ça, genre limite comme si tu venais de faire un malaise et d'un seul coup tu vois genre tu... D'accord, ok, c'est vraiment malade. Pas bien, je suis malade. Voilà. Ok. Et par conséquent, tu vas te retrouver totalement désorienté et quasiment incapable d'agir pendant les prochaines actions. Et nous, on la voit un peu. Ça se voit. Ça se voit. Du coup, je me retourne, je fais. Annette, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, j'avance vers elle et je vais essayer de la tenir, enfin de la soutenir. Fuck! La mutation! Saleté de mutation! Putain. Merde! C'est pas vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. J'ai paniqué! Chut, j'ai paniqué! Tais-toi! Calme-toi, c'est bon, on est là, on va t'aider. Maintenant, il faut vraiment. On n'a pas le choix, il faut continuer, il faut aller jusque là-bas. Regarde-moi, tranquille. Combien j'ai de toi? Combien j'ai de toi? T'en as pas! 3, allez. Mais non, je sais pas le mot. 5 et demi. Bon, faut y aller, t'as choisi. Vous voyez que par la perturbation qui vient de se passer, certains de ces anneaux viennent de s'envoler et commencent en fait simplement, tout en continuant à croiser, à survoler au-dessus de vous. Putain, mais chier. Décrivant des cercles comme ça. Fallait vraiment pas qu'il nous arrive un truc pareil. De toute façon, pour l'instant, on est quand même à l'abri de leurs pics puisqu'on est sous les arbres. Mais il faudra vraiment faire attention. Aide-moi à le saisir. Et on court vers le bâtiment. Question, je suis totalement malade, mais est-ce que je suis quand même camouflé ou pas? Oui, tu es camouflé avec tes vêtements. Oui, mais, oui. Bah, du coup, on avance d'un pas rapide, mais toujours essayer à couvert des arbres. Pour essayer de marcher dans les zones les plus denses, où il y a le plus de branches et de trucs qui pourraient nous soutenir. Mmh. Ok. Oui. 1, 2... Ok, donc, vous décidez du coup, Higgs et Klinger, si c'était bien ça, c'était de saisir Annette pour courir. Est-ce que vous êtes sûr de courir? Courir, non. Moi, j'étais plus dans un pas rapide. Genre, pas courir, parce que justement, il faut pas qu'on fasse trop de bruit non plus, mais okay. D'un pas rapide. Dans ce cas-là, je m'adapte. Je fais comme vous êtes. Très bien. Vous saisissez Annette. Vous avancez d'un pas rapide, essayant de vous mettre à chaque fois là où c'est plus dense, là où ils peuvent sûrement pas passer tous en même temps. Alors, s'il y en a un qui veut passer, il passera, mais au moins ils seront pas tous ensemble. Oui. Chacun de vos pas provoque des hurlements de plus en plus fréquents de la part de ces oiseaux. Plus, au début, c'était une dizaine. Là, vous avez l'impression qu'ils sont moins 30, peut-être 40 à brailler dedans. Putain. Vous vous demandez combien supporte ce nid d'oiseaux. En tout cas, ça survole de plus en plus nombreux autour de vous. Vous avancez, vous continuez à vous cacher, à avancer. Et vous tombez face à l'un d'entre eux. Un oiseau, simplement, au sol. Ah ! Je prends, je lâche Annette, je prends la crosse de mon fusil et je lui donne un shoot dans la tronche. Okay. Tu vas me faire, s'il te plaît, un test. Deux combats. Deux combats tout simplement. Sans bonus pour le coup, il qui fera qu'un seul du coup. Dégâts. C'est quoi c'est combat. Ouais, du coup, ouais. C'est le moment de taper un 6. Eh bien non. Je rappelle qu'il y a toujours la possibilité de pousser le G, malgré les risques que ça comprend. Ouais, mais j'ai 2-1, donc non, j'ai pas trop envie de. Bah écoute, t'aurais quelques mutations, tu vas arrêter de. Ouais, non, mais je sais que ça entraîne quand même des trucs. Hein. Donc je sais pas, je vais louper. Dans mon état, je peux tenter un coup de pelle ou. Oui, mais tu aurais 2 dés malus. Ok, donc ça sert à rien. ma chaîne, tant pis. Hein. On se retrouve par terre, quoi. Ok, alors. Tu vas me faire s'il te plaît un test de le fiche. Furtivité. Furtivité. Oui. Alors c'est quoi, c'est agilité, ok. Putain, moi j'aurais aimé avoir ça, moi. J'étais super fort, moi, pour faire des furtivités. C'est parce qu'il y a une action différente. D'accord. Une réussite. Parfait. Tu vois Klinger s'approcher de l'oiseau. Essayer de donner un coup de crosse. L'oiseau, du coup, esquive, pousse un hurlement. Cette fois, c'est pas un croissement aigu, c'est quelque chose de très grave. Comme, pour parler aux joueurs et pas aux personnages, un growl. Vous voyez, quelque chose de très profond qui vient de là. C'est très très très grave, le son qui sort du... Vous n'êtes pas obligé d'imiter les corbeaux, ok. Dans la vie. Bref, un son très fort qui sort. Et par chance, dans sa réaction, alors que tu t'approchais avec la chaîne, il semble pas t'avoir vu. Donc maintenant, si tu veux, X, tu peux tenter le coup. Donc c'est un jet. Do it! Do it! It's time to vigor. Et t'as combat aussi, hein. Attention. Oui, c'est ça, quand je dis ça, c'est parce que combat vigueur. Donc, enfin, j'ai prédit le G. J'espère que t'as des dés en combat. Rien du tout. Oh non! Oh c'est non. Un vulgaire oiseau pourri et nous à deux. Alors l'oiseau pourri, tu te calmes. Attends, d'ailleurs, sa taille. C'est quelle taille? Je pousse le G. Et pas. C'est ce que j'allais te demander, je voulais savoir si tu voulais pousser le G. As-tu fait des 1? Un seul, mais bon, une mutation. Sur lequel? Dé de base ou dé de compétence? Attribut. Ok, dé de base. Je rappelle que quand tu pousses le G, ça ne fait pas que gagner un point de mutation, tu tapes aussi un traumatisme dans la compétence qui est utilisée. Enfin, l'attribut, pardon, qui est utilisée. Oh, c'est vigueur, ça sera mignon. Très bien. je préfère rappeler parce que c'est, je me souviens d'une session où j'avais oublié de l'appliquer. Donc au cas où, je préfère le rappeler pour qu'on soit tous sur les mêmes règles. Du coup, effectivement, tu as le droit de prendre le risque. Donc du coup, tu relances tous les dés qui ne sont ni des 6 ni des 1. Et par contre, les nouveaux 1 seront appliqués, tout comme les nouveaux 6. Ok. Et ça, ça sert combien de temps? Ça te reste combien de temps, ça? Jusqu'à temps qu'il soigne les dégâts qu'il a eu, enfin le traumatisme, soit en mangeant, soit en buvant, soit avec l'empathie, etc. La mauvaise nouvelle, j'ai refait un 1. La bonne nouvelle, j'ai fait 2-6. Parfait. Donc, tu as fait 2-1 en dé de base. Oui. Donc, tu vas avoir 2 traumatismes en vigueur. C'est quoi les traumatismes déjà? Alors, c'est. C'est dégâts, etc. Que tu peux voir sur l'affiche. Donc, là, en vigueur, effectivement, il va prendre 2 de dégâts. Et du coup, ça va lui faire un malus de moins 2 sur ses jets. Ok. À partir de maintenant, pour la vigueur. Bon, après, lui, il a 5 en vigueur, c'est vrai qu'il pouvait se permettre de jouer là-dessus. Donc, je note 2 trauma vigueur pour le cher ami X. Tu arrives, alors que l'oiseau vient d'esquiver, pousser ce cri, tu vas pour le asséner un violent coup. Malheureusement, il repasse en dessous de toi. C'est comme ça que la chaîne, finalement, te frappe violemment. Et que, malgré tout, tu te dis que c'est maintenant ou jamais pour faire taire cet oiseau de malheur et que le laisser continuer peut être quelque chose de super dangereux. Tu reprends la chaîne et tu revas dessus. Tu vas, du coup, le prendre et frapper avec. Je veux juste voir combien de dégâts elle fait. Très bien. Et du coup, tu vas lui asséner un violent coup. Qui va pour le coup lui faire pousser un. Pour la première fois, peut-être que vous entendez ce bruit-là, un petit couinement de douleur, même si c'est pas littéralement un couinement, mais je sais pas comment les oiseaux expriment la douleur. Mais vous voyez l'idée, quoi. Ouais, sûrement. Et du coup, se reculer. Tu vois qu'il te fait face. Tu viens de le blesser, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour. T'as bien fait 2-6, hein, c'est ça? Oui. Il a fait 2-6. Ouais, okay. Oui. Okay. C'est pour que je considère les bons dégâts et je fasse pas de la merde dans ma narration. Donc du coup, tu lui as blessé. Tu penses honnêtement qu'il pourra pas revoler, donc au moins il est cloutré au sol. Par contre, il se remet à faire son énorme hurlement. Et à peine avait eu le temps de remarquer, même si cette phrase ne veut rien dire, le ciel est devenu noir, non pas par les nuages, mais par les oiseaux qui vous survolent. Et commence Anna à piquer vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Vous avez. On court. On court. 9. Vous courez. Vous partez vers vous. On se casse. On attrape. Elle est en état, Annette? Oui, je suis quand même. Annette est désorientée, mais malgré tout, elle peut courir parce que je reste encore clément. Écoute, on se barre vers. On continue vers là où on allait, de toute façon, dans la direction où on allait. Donc, alors attends, parce qu'il y a des informations contradictoires, je vous laisse 5 secondes pour vous décider, est-ce que vous avancez vers l'avant ou vers l'arrière? Vers l'arrière. Avant. Ah. On va où? Avant. Mais on continue là où on allait. Oui, on continue. Oui, on y va. Bon, bah ok, je suis mouvant. Vous continuez pour essayer d'atteindre ce bâtiment de malheur. Plus vous avancez, plus les pics des oiseaux finissent à quelques millimètres de vous. Vous continuez d'avancer. Je vais demander à chacun, du coup, de faire un jet de... endurance. Ok. Endurance... ok, j'ai rien, mais du coup, c'est vigueur, donc 2. Un succès. Ah, 1-6 sur 2, 1-6. C'est beau. 2-6 sur 4, 2-6. Je suis désorienté, mais quand même. Bon, c'est tous courir, ça rassure. Vous, parce que tout le monde a réussi, maintenez une course folle, sûrement de l'adrénaline, etc. Vous commencez à les distancer. Et. Ne bougez pas, je dois faire un jet. En vérité, toute votre réussite va dépendre de ce jet. Je suis désolé. Ou je vois des choses qui risquent de pas vous plaire. Alors, si je résume en tout. Ouais, un dé cassé c'est pas bon ça, on doit le refaire. Oui. c'est bien fait. T'aurais dû t'auteur, tu sais. Non, mais toute la brassée, hein, pas juste un dé. Oui, bien sûr. C'est quand il y a des dégâts, tu rends souvent tout. Si j'ai bien compris, il y a eu une réussite chez Klinger, une réussite chez Annette et deux réussites. Ok, donc ça fait 4. Très bien. Vraiment, t'aurais dû te taire, tu sais, Gossel. Mais non, mais moi, Jonathan, c'était pour tout le jeu. Oui, bien sûr. Genre, attends, depuis genre tout le temps qu'on fait du jeu de rôle, quand il y a des questions, on relance juste. Mais non, mais parce que comme tu dis, ça va pas plaire. Ouais, mais tu as influencé ma réponse en disant que ça allait pas nous plaire. Si tu aurais rien dit. Ouais, bah, en vrai, t'aurais rien dit, vous serez passé de 1, malheureusement. Mais toi aussi, tu aurais rien dit, j'aurais rien dit. Bon, ça allez, sent le mal comme ça. Alors, allez, en vrai, retournons au jeu, il est quand même à 3h37. Allez. Vous courez, malheureusement, il semblerait que vous n'avez pas la bonne vitesse pour atteindre le bâtiment, parce que à peine qu'il devient visible, un nuage noir, un mur, se forme devant vous, d'oiseaux en train de tourner autour. Ils semblent vous enfermer dans un cercle. Qu'est-ce que vous faites? Genre, littéralement, encerclé, de gauche à droite. Ouais, ils font une sorte de tornade. Je tourne sur le même avec ma chaîne. Je tourne sur le même avec ma pelle. Ouais, mais là, je tiens à dire que pour l'instant, ils ne sont pas à distance de corps à corps. D'accord, ok. Okay. Mais on court, je sais pas, on peut courir toujours, non? Mais non, ils sont autour de nous. Ah oui, on est pris dans une... Oui, non, ils sont autour. On est dans un étau, quoi. Gossed, siffle. Peut-être que les ultrasons, c'est pas... Enfin bon, non... Et puis c'est pas Flint. C'est pas Flint qui va nous aider, hein. Bon, je peux toujours le faire, hein. Tu siffles. Tu vois qu'il semble pas avoir de réaction. La tornade, pour l'instant, semble pas... Enfin, la tornade, du coup, on va utiliser ce terme-là, parce que ça a été utilisé, c'est une bonne allégorie. Semble pas forcément se resserrer. Elle est juste autour de vous, comme si ça vous mettait pression. Certains oiseaux s'amusent à faire des petits pics comme ça vers vous, mais qui remontent avant de vous toucher. Comme s'ils jouaient avec leur proie avant de... J'aurais bien essayé de faire quelque chose, mais il y a trop de monde. Mais vous pouvez essayer de faire des choses. Parce que j'ai ma mutation qui me permet de tourmenter, d'infliger la confusion à quelqu'un. Mais là, au vu du nombre, ça va être un peu compliqué de tu vois, tourmenter avec des visions, ça, mais sur des oiseaux en plus, vu le nom qu'il y a, je pense que ça va être un petit peu. Bah ouais, il me semble que les pouvoirs sont sur humanoïdes. Je vais vérifier. Ça ne sert que sur les êtres humains. Et il me semble vrai que c'est. Oui, et d'ailleurs, Morgane, je suis désolé, mais en fait, j'avais oublié, mais Klinger a le même pouvoir que toi. Voilà. Ah, d'accord. Je pensais que t'étais seul, mais en fait, non, j'avais dit que t'avais fait un deuxième tirage. C'est pas grave, on est potes de pouvoir. On pourra faire des communications Skype. Ouais, c'est marqué que ça ne fonctionne que sur les humanoïdes, par contre. Ouais, donc gros, je suis... Ah ouais, bah en plus, c'est marqué action uniquement sur les humanoïdes, ouais. Après, je veux bien essayer de tirer une fois dans un coup de flingue, mais... Alors, vraiment, c'est la sixième session, je commence à peine à durcir, donc je vais vous aider. Sachez que je ne ferai pas ce genre de choses plus tard. D'accord, je rappelle que je ne vous ai pas retiré vos torches. Vous avez fait un feu, mais vous avez toujours vos torches sur vous. Je m'étais interdit de le dire, mais je vois que vous êtes en train de galérer, donc je suis gentil pour cette fois. J'ai failli le dire tout à l'heure, mais je pensais pas qu'on les avait. N'hésitez pas, franchement, pire, pose la question. On a essayé de les cramer, alors. Franchement, t'as bien vu, mais après t'as me mettre en boule pour... Non, mais clairement, je pensais même plus qu'on avait les torches, parce que moi, en train de la porter, j'avais mon flingue dans la main, j'étais plus... C'est moi et Lix qui avons les torches. Ah bah ouais. Oui, c'est... Eh bah écoute, on peut foutre le feu à ce qui nous entoure, quoi. On fait un cercle quoi. De feu, oui. On fait un cercle de feu autour. Ouais. Très bien. Vous, avec les torches, vous commencez à faire un cercle de feu. Assez facile, hein, vous êtes dans une forêt, vous mettez des feuilles, hein, je vais dire en boule. Et vous voyez que, en fait, au moment où les flammes commencent à prendre... À vraiment être plus imposantes que juste des petites torches, la tournade commence à s'espacer, comme si... Ils continuent à maintenir la pression, mais ne peuvent pas trop se rapprocher, comme si le feu leur semblait... comme s'ils craignaient le feu, comme toute créature vivante qui a un sens de survie, j'ai envie de dire. Du coup, je propose, alors même si c'est complètement con, de nous faire un chemin de feu, en fait. Genre, pour limite... avancer avec du feu toujours autour de nous pour avoir un mur de protection. Ça peut être long, mais vu leur réaction, c'est faisable. Ouais. Ce que je vais vous demander, du coup, ça va être un jet, non pas pour savoir si vous réussissez, parce qu'encore une fois, foutre du feu dans une forêt, c'est pas la chose la plus dure au monde. Est-ce que vous brûlez dans la forêt ? Est-ce qu'on est capable de passer la vitesse. C'est la vitesse, d'accord. Est-ce qu'on est capable de passer au-dessus du feu ? Effectivement un jet à faire pour tous de déplacement, ouais. Pour sortir de là. Déjà, je vais vous demander de faire le chemin et après je vais voir qui se crame dans le feu. Vous allez du coup faire un jet de... qu'est-ce qui peut être sympathique honnêtement, soit d'endurance, soit de force, au choix. Voilà, c'est sympa. Et bah tant pis pour vous. Ça sera juste deux. Soit l'un, soit l'autre, pour voir à quel point vous êtes efficace pour faire le chemin de feu. Ça sera juste les deux points de meilleur. Un succès pour moi. J'avais oublié, on n'avait pas fait un test d'endurance juste avant. C'était pour courir, ouais. Et personne n'est tombé, je suis fier de vous. Non, ce que j'avais oublié, parce que pour chaque 1 obtenu, mon talent rebelle me donne plus 1 de modificateur sur mon prochain action. Eh oui ? Eh non, mais eh... C'est qu'il a raison. Et tu pouvais pas le dire avant qu'il nous fasse une tornade de machin, là ? Non, mais de toute façon, c'est sur l'endurance, donc c'était... Ouais. Mais non, mais tu as raison, donc, du coup, tu as un modificateur de plus 2 sur ton jet là, au choix de soit du coup force, soit endurance. Effectivement. Ok. Bah dans ce cas-là, donc plus 2. Oui, 2 dés supplémentaires. Bon bah je vais faire endurance. Bien sûr, c'est les dés de base, les dés supplémentaires. Ouais, 2-6. Parfait. 2-6 chez toi, Kinger, tu as combien de réussites ? Une seule. Ok, et chez notre amie Annette. Ok, heureusement que t'as des amis. Y a pas de soucis. Mais avant, du coup, de passer à là, je vais vous demander de faire un jet, du coup, de déplacement pour aller voir, du coup, si jamais vous arrivez à passer les flammes sans vous cramer le cul. Ce qui se passe, c'est que Annette reprend ses esprits, hein, je considère que ta confusion est terminée, parce que ce monde, ça dure assez longtemps. Voyant le feu et comprenant qu'il va falloir faire un chemin pour se prendre, tu cours et tu sautes au-dessus, après tout, t'es un lézard et t'es habitué à faire des déplacements plutôt assez agiles. Tu passes assez facilement. Okay. Viens ensuite Klinger. Klinger, par contre, toi, tu as été blessé. Et sauter par-dessus les flammes, c'est quelque chose qui va te faire extrêmement mal. Notamment la blessure du bec, tu sais. Quand t'avais été il y a eu un bec qui t'a pris. Quand tu vas sauter, ça va. Tu vas le sentir à la limite de se réouvrir. C'est-à-dire que tu sens que le prochain mouvement brusque que tu pousses comme ça, ça risque d'ouvrir la blessure de nouveau et que tu saignes. En tout cas, tu t'es épuisé physiquement pour le coup. Sur ce saut, ça a été vraiment une grosse concentration et passer au-delà de la douleur physique, etc., pour passer au-dessus des flammes. Manque plus du coup que X. X est au fond, commence à courir et au moment où il se retrouve au niveau des flammes, s'arrête un peu tétanisé, puis reprend ses esprits et se remet à sauter. On rigole pas, s'il vous plaît, ça arrive. Enfin, genre, on est dans une situation de stress, il y a des oiseaux qui veulent vous tuer, enfin, genre, c'est pas drôle. Non mais... tu vas voir, toi le prochain échec, je me fous de ta gueule. Non mais... Ouais, attention, hein, j'aime pas ça. On se moque pas c'est vos amis, on se moque pas d'eux. Dans tous les cas, il fait le saut. Et pour le coup, malgré le fait que tu l'as fait en deux fois, ça n'a pas été si puissant que ça. Tu as puisé dans tes réserves personnelles, mais tu te sens très bien X après ce saut et tu vas pouvoir continuer le chemin. chemin qui, comme on l'a vu, et d'ailleurs, heureusement que tes amis sont là, parce que sinon, toi, tu cramerais toute seule, pour continuer le chemin de flamme, vu que vous avez fait de magnifiques réussites, sauf une. Dans tous les cas, vous commencez à faire avancer avec les flammes. Moi, comme j'imagine la scène, vous me dites si ça correspond pas à ce que vous faites, mais c'est vraiment vous avancez en mettant les flammes et de temps en temps vous levez la torche au cas où il y aurait un oiseau qui s'apprête à cette eau, ce qui vous permet de sécuriser et votre avancement et une attaque aérienne possible. Parce que forcément, comme je vous dis, il y en a qui s'amusent à faire des petits loopings vers vous pour vous mettre un peu la pression, même si vous sentez que ces derniers loopings sont plus des attaques qui finissent par une fuite plutôt que juste mettre la pression. Mm-hmm. Ils se sentent en danger pour le coup. Ce qui est autant un avantage qu'un inconvénient, parce que vous risquez de les énerver. Dans tous les cas, vous avancez. La tornade n'a pas d'autre choix qu'à chaque fois s'écarter. Mais arrive au moment où elle arrive au niveau du bâtiment, et elle ne pourra pas protéger plus que ça. La tornade va du coup s'accélérer, jusqu'à se disperser d'un coup au niveau de toute la forêt. Vous arrivez au niveau du bâtiment, vous ouvrez la porte, vous réfugiez dedans, la fermez, vous pouvez souffler.